Mara ba niyo suka po na iyo? Mama Emil Anissa, kumana ya chef ya mutima ya yugo gulunda. Mwana ya denges, yuka patrao. General Abugara, General Ndenge. Akosele sopani na mabele, etwa kilote sengi kitefana. Tama kambimi se boiko tana, mweyo kisonye boiko lala. Ba etwale greve na mapata, sante koti nyongo na butu yango. Oyo poeni kaza na kiosa na fuki, obori ya lefe vukungu. Mami si bazo jumele mpeko akwame, kwale kema mi watana avote. Midinga saki mama Jojo. Akampona charm, Yanine Anissa, planète comme agité. Sur le temps, lumière d'obscurité, on fait babani ensemble, ça sera éloge à beauté naïe. La beauté naïe, Adolphe Mouté Batia, mon amour, Inès Nadam Gasaki, Vincent Gomez, le directeur international. Nadège du bien joli de joli. Akampona charm, Yanine Anissa. Planète comme magique. Pas d'ici, vas au jumel, un déco acclamé. Pour les guémami, ma tara. Arc-en-ciel et sopanina, ma belle. Et toi, filant, te sengi, qui t'y vanne. Tama kangimi, se boikotana. Mouye, au qui sengi, boikola. Ma étoile, grève, na ma pata. La lune, cotigny, en haut, na boutou, en Oyo poeni kaza na kiosa na fuki, obori ya lefe vukungu. Bandisi bazo jumele mpeko aklame, olegi mani watarabu. Bishop Chatumba, 13e apôtre, appel 14e apôtre, DJ Franck. Lui Blaise Londoulé, papa non rilo. Mouna Lopez, Oya Jibé Faki. Tout le monde, papa fana Victor Abraham. Yann Kamwanga. Princesse Margot Ibata, Christophe Kazet, Mao, Ngoma Maron. Isota la kakate, zolwe suka na tsingate, yeke la chouje diskorenga, posa ya gorge d'omble komi kleron, komi kasupri komi ndungu mobile vide, sentima ya bolingo na olinele, bapurmi bade filoko sa oyamulu, apeti anzoku pona tonate, ba ne chante ya mkoyi, mpomoto apusa na pembeite. Bolen Manix, Mamma Mia. Toto Chibula Maman en tout Diamant Sylvestre Asiabou Le maestro en poche Blandine Malila Prince Vicky Franck Mastola, vrai star, del Pirlo. Azaka tirando en gombre, nange koma la pomme, nange. Jean-Jacques Bouillard.